ثورة في تعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية. مقدمة: هل أنت مستعد لإحداث ثورة في طريقة تعلمك للغة الفرنسية؟ في عصر التكنولوجيا هذا، أصبح الذكاء الاصطناعي AI حليفاً قوياً للمعلمين والمتعلمين على حد سواء. يستكشف هذا المقال كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن توفر فرصاً هائلة خاصة في مجال التعليم، وكيف يمكنك تسخيرها لتعزيز رحلتك في تعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية. سنغوص في الأدوات المتاحة مع التركيز على تلك التي تقدمها مايكروسوفت، ونوضح كيف يمكنها مساعدتك في توفير الوقت وتخصيص تجربة التعلم الخاصة بك وتحقيق أهدافك اللغوية بكفاءة أكبر. Introduction. Prêt à révolutionner votre manière d'apprendre le français? À l'ère de la technologie, l'intelligence artificielle IA est devenue un allié puissant pour les enseignants et les apprenants à la fois. Cet article explore comment les outils d'IA peuvent offrir d'immenses opportunités, notamment dans le domaine de l'éducation, et comment vous pouvez les exploiter pour dynamiser votre apprentissage du français langue étrangère, FLE. Nous plongerons dans les outils disponibles en nous concentrant sur ceux proposés par Microsoft et expliquerons comment ils peuvent vous aider à gagner du temps, à personnaliser votre expérience d'apprentissage et à atteindre vos objectifs linguistiques plus efficacement. Introduction. Prêt à révolutionner votre manière d'apprendre le français ? À l'ère de la technologie, l'intelligence artificielle IA est devenue un allié puissant pour les enseignants et les apprenants. Cet article explore comment les outils d'IA peuvent offrir d'immenses opportunités, notamment dans le domaine de l'éducation, et comment vous pouvez les exploiter pour dynamiser votre apprentissage du français langue étrangère. Nous plongerons dans les outils disponibles en nous concentrant sur ceux proposés par Microsoft et expliquerons comment ils peuvent vous aider à gagner du temps, à personnaliser votre expérience d'apprentissage et à atteindre vos objectifs linguistiques plus efficacement. تحديات تواجه المعلمين والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. Les défis des éducateurs et les opportunités offertes par l'IA. كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدتك في تعلم اللغة الفرنسية؟ Comment les outils d'IA peuvent-ils vous aider à apprendre le français؟ بينما تركز الأدوات المذكورة أعلى على دعم المعلمين بشكل عام، فإن العديد من مبادئها وقدراتها يمكن تكييفها أو العثور على ما يوازيها لمساعدة متعلمي اللغة الفرنسية بشكل مباشر. إليك بعض الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز رحلتك لتعلم اللغة الفرنسية. Bien que les outils mentionnés ci-dessous se concentrent sur le soutien général aux enseignants, nombre de leurs principes et capacités peuvent être adaptés ou trouver des équivalents pour aider directement les apprenants de français. Voici quelques façons dont l'IA peut améliorer votre parcours d'apprentissage du français. Le parcours personnalisé. L'apprentissage personnalisé. يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي تحليل نقاط قوتك وضعفك في اللغة الفرنسية وتصميم خطط دراسية مخصصة لك مع التركيز على المجالات التي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام. Les plateformes d'IA peuvent analyser vos forces et faiblesses en français et concevoir des plans d'études personnalisés en se concentrant sur les domaines nécessitant le plus d'attention. التصحيح الفوري للقواعد والإملاء. La correction instantanée de la grammaire et de l'orthographe. تقدم العديد من الأدوات ملاحظات فورية على كتاباتك باللغة الفرنسية، مما يساعدك على تحديد الأخطاء وتصحيحها وفهم القواعد بشكل أفضل. De nombreux outils offrent un retour instantané sur vos écrits en français, vous aidant à identifier et corriger les erreurs et à mieux comprendre la grammaire. تنمية المفردات. Développement du vocabulaire. يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إنشاء بطاقات تعليمية ذكية واستخدام تقنيات التكرار المتباعد لمساعدتك على حفظ الكلمات والعبارات الفرنسية الجديدة بفعالية. Les plateformes d'IA peuvent créer des flashcards intelligentes et utiliser des techniques de répétition espacées pour vous aider à mémoriser efficacement de nouveaux mots et expressions en français. التدرب على النطق. Pratique de la prononciation. توفر بعض الأدوات تقنية التعرف على الصوت لتقييم نطقك للكلمات والجمل الفرنسية وتقديم ملاحظات لتحسينه. Certains outils offrent une technologie de reconnaissance vocale pour évaluer votre prononciation des mots et des phrases en français et fournir des commentaires pour l'améliorer. شركاء المحادثة. Partenaires de conversation. يمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي محاكاة المحادثات الواقعية باللغة الفرنسية، مما يمنحك فرصة للتدرب على التحدث والاستماع في بيئة خالية من الضغوط. La création de contenu. يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إنشاء تمارين مخصصة أو حوارات أو حتى قصص بسيطة باللغة الفرنسية لتناسب مستوى تعلمك. L'IA peut aider à générer des exercices personnalisés, des dialogues ou même des histoires simples en français adaptées à votre niveau d'apprentissage. Outils de traduction et de compréhension. Bien que ne faudra pas se fier entièrement, les outils de traduction alimentés par l'IA peuvent aider à comprendre rapidement des textes difficiles ou à vérifier votre compréhension. Ressources visuelles, outils d'IA pour les éducateurs par Microsoft. Lorsque les enseignants intègrent ces outils d'IA, ils peuvent créer des plans de leçons attrayantes, fournir des commentaires détaillés et développer des compétences prêtes à l'avenir dans leurs apprenants. Les enseignants peuvent utiliser ces outils d'IA gratuits pour gagner du temps et recentrer leur attention sur l'enseignement et répondre aux besoins de leurs apprenants. خاتمة احتضن مستقبل تعلم اللغة الفرنسية مع الذكاء الاصطناعي. Conclusion, embrassez l'avenir de l'apprentissage du français avec l'IA.